rôle de Gustave sera incarné par Monsieur Jérôme Deschamps. Le rôle de Bob Échotte, dite ma petite cocotte en sucre, a été attribué ce soir à Monsieur Michel Faux. Je vais bien t'épater, oui. Je vais t'en boucher une surface. Sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau? La concierge. Oh, peste, hein, tu as de belles relations, hein, tu m'avais jamais dit ça. Me chine pas la concierge, Trogno. C'est une femme tout ce qu'il y a de batte, à preuve qu'elle m'a donné, devine quoi, un gora. Hein? La concierge t'a donné un gora? Oui, mon vieux. Et qu'est-ce que c'est que ça, un gora? Quoi, tu sais pas ce que c'est qu'un gora? Ma foi, non, hein. Mon pauvre Trogno, je te savais un peu poire, mais à ce point-là, j'aurais pas cru. Alors, non, tu sais pas qu'un gora, c'est un chat. Ah, un angora, tu veux dire? Comment? Ben, tu dis angora. Ben, naturellement, je dis angora. Oui, ben, on dit pas angora. On dit pas angora? Non. Ben, qu'est-ce qu'on dit, alors? Ben, on dit un angora. Mais depuis quand? Depuis toujours. Tu crois? Ben, j'en suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. Ouais, hein. La concierge dit angora, hein. Oui, moi. Ça, si elle dit angora, c'est qu'on doit dire angora. Oh, t'as pas besoin de rigoler, hein. Je la connais mieux que toi, peut-être. Et c'est encore pas toi avec tes airs malins qui lui fera le poil pour l'instruction. Elle est si instruite que ça. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est par elle que je l'ai appris. C'est une raison, je le reconnais, mais ça ne change rien à l'affaire. Et pour ce qui est de dire un angora, sois sûr qu'on dit un angora. Moi, je dirai ce que tu voudras, Trogno. Ça m'est bien égal, après tout. Oh, oh! Nous n'avons jamais d'autres motifs de dispute. Ah, ben, c'est évident. N'est-ce pas? Sans doute. Le tout, c'est qu'il soit joli, hein? Qui? Le petit angora que m'a donné la concierge. Et à cet égard-là, il n'y a pas mieux. Un vrai amour de petit angora, figure-toi. Pas plus gros que mon poing, avec des souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau de vie et un bout de queue pointu. Mais pointu, comme l'été noir de ma grand-mère. Mon Dieu, quel beau petit angora. Mais je vois au portrait que tu m'en traces qu'il doit être en effet très bien. Une simple observation, mon loup, on ne dit pas un petit angora. Mais tiens, pourquoi donc? Parce que c'est du français de cuisine. Oh ben, elle est bonne, celle-là. Je dis comme tu m'as dit de dire. Mais pas du tout, je proteste. Je t'ai dit de dire un angora, mais pas un petit angora. Muet étonnement de Bob Échotte. C'est que dans le premier cas, là, du mot angora est précédé de la lettre N, tandis que c'est la lettre T qui termine le mot petit. Ah. Oui. Oh, voilà des histoires. Mais qu'est-ce que je dois dire avec tout ça? Ben, tu dois dire un petit angora. Ben, c'est bien sûr, au moins. Ben, n'en doute pas. Y a pas d'erreur. Sois tranquille. Non, je tiens à être fixé, tu comprends? Tu l'es comme avec une vis. N'en parlons plus. Oh. Bon, maintenant, je voudrais ton avis. J'ai envie de l'appeler Zigoto. Oh, excellente idée. Ouais, il me semble. Oh. Hein. Je trouve ça épatant. N'est-ce pas, hein? C'est simple. Hein? C'est gai. Sans prétention. C'est facile à se rappeler. Ça fait rire le monde. Et puis ça dit bien ce que ça veut dire, Zigoto. Oui, je crois que pour un tangora, le nom n'est pas mal trouvé. Pour un quoi? Pour un tangora. C'est pas pour te dire des choses désagréables. Ma pauvre cocotte en sucre, j'ai de la peine à me faire comprendre. Mais faites donc attention, sapristoche. On ne dit pas un tangora. Bon, ça va durer longtemps, cette plaisanterie, là. Mais tu permets que... J'aime pas beaucoup qu'on sauve ma physionomie. Et si t'es venu dans le but de te payer ma tête, faudrait mieux le dire tout de suite. Mais tu t'emballes, t'as bien tort. Je dis, on dit un angora, un petit angora ou un gros angora. Y a pas de quoi fouetter un chien. Y a pas de fâché pour une question de liaison. Liaison? Une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages d'abord. Et puis, si ça te suffit pas, épouse-moi. Qu'est-ce qui t'en empêche, mal appris, grossier personnage? Moi. Mais d'ailleurs, tout ça, c'est de ma faute. Et je n'ai que ce que je mérite. Si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je m'étais payé ta poire comme les 9/10 des grenouilles que t'as gratifié de tes faveurs, tu te garderais bien de te payer la mienne aujourd'hui. Mais c'est toujours le même raisonnement. Je te crains pas, je t'en kikine. Quelle dégoûtation, mon Dieu. Heureusement, il est encore temps. Ah, ben, comment? Il est encore temps? Qu'est-ce que tu dis? Tant de quoi? Je me comprends. C'est le principal. Vois-tu, c'est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme. De plus malin que toi, ils ont trouvé leur maître. Parfaitement. À bon entendeur. Je t'en flanquerai, moi, du Zangora. Bravo.